Chidra boum bata. Je mets la grosse tête de ta meuf à ton père. On a moins tous connu les soirées Zoulou. Voilà. Le premier Zoulou qui m'a serré la main, l'enfoiré m'a brisé le poignet. Mais moi, je savais pas qu'il voulait me dire que bonjour, j'ai mis un coup de tête dans sa main. Dans les soirées, quand les Zoulous dansent, ça pue des aisselles. Ah caca, je danse à suer. J'ai mon père qu'un tigre s'est mis à tourner sur la tête. Je dors à la classe, je lui ai écrasé la nuit. Et ouais, qu'on se la pète, sneak la tête. Les gadgets portaient tous des doudounes. Et les gadgets à moitié à poil laissaient respirer leurs chouchous. Elle te parlait comme un mec. Ouais, je suis la bonne sur la vie de ma mère, sur la vie de ma mère, je sais pas ma mère m'aménage. Transmute, je te dis transmute. Ouais, vas-y. Une fois, y'a un type de 3 mètres, il devait faire 220 kilos. Pour lui, il m'a giflé, il m'a déplacé le menton. J'avais pas mouillé, alors j'ai sorti le musiloton. Dinosaure a vu que j'en avais dans la culotte, il m'a proposé de rentrer dans sa bande. Les ZD, les Zoulous de Franprix, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je faisais partie des malades de ce mouvement, je taguais sur les murs, fallait plus me parler de boulot. J'étais Chidral dur. En plus, après une tape de main, fallait dire check ça. Oh, Chidral, check ça. Yo, aïe, là, tu m'as fait mal.